Toujours en Corée, on accélère la construction des centrales de Tansan. Les chercheurs de l'université Kim Il-sung, de l'Académie nationale des sciences, de l'Institut de la médecine, de l'École supérieure de l'industrie houillère de Pyeongsang et de la Direction générale de l'industrie minière de Tansan, expédiés au chantier de construction des centrales de Tansan, ont adopté de nouvelles techniques de dynamitage pour contribuer à accélérer la vitesse de construction dans les tunnels d'amener d'eau. Les membres de la troupe de choc de la 6e brigade de la direction de la troupe de choc de la Jeonnam Sokdo-zone accroissent au maximum le taux de fonctionnement des matériels roulants à la construction de la centrale numéro 6 de Tansan et adoptent des méthodes de construction avancées pour ainsi accomplir le plan journalier à 120%.